بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في باب جديد وهو الجمع بين الصلاتين في السفر, qui est le fait de joindre entre les deux salats durant un voyage. Car cela est parmi les choses qui nous ont été rendues faciles dans la législation. Comme a dit في قاعدة الفقهية que أن المشقة تجب التيسير. La difficulté amène à une facilité. Et la personne en voyage peut se retrouver en situation où elle ne peut accomplir la salat en son temps. Donc de là, Allah Azzawajal, par sa grande miséricorde, nous a permis justement de pouvoir faire, de pouvoir raccourcir la salat, comme cela veut dire, et de pouvoir jeûner entre elles, certaines d'entre elles. Pour que la personne puisse, alhamdoulilah, continuer à faire ce dont elle a besoin de faire, car c'est un cas de nécessité. Donc c'est ça, les règles de facilité en religion, c'est basé sur un dalil. Ce n'est pas quand une chose nous arrange, on change les règles. Non, les facilités, ce sont celles qui ont été décrites, qui ont été prescrites par la législation. Comme pendant le voyage, par exemple, ou comme pour le malade, par exemple. D'accord ? Car le malade également, il a le droit de joindre entre les deux salats, sans les raccourcir, par contre. Sans les raccourcir. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن وعشرين بعد المئة. Donc dans maintenant 128e hadith. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على الظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. Donc selon ابن عباس رضي الله عنه le message d'Allah صلى الله عليه وسلم joignait entre la salat du dhuhr et l'asr lorsqu'il était en voyage, qu'il parcourait. Et entre le maghrib et le isha. Naam. يقول فضيلة الشيخ ابن العثيمين الراوي لو رابورتور سي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما dont on a déjà parlé auparavant. يقول موضوع الحديث le sujet du hadith بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. Maintenant ce hadith vient pour montrer le jugement qu'il y a en fait de joindre entre deux salats lors d'un voyage. Naam. يقول في الشرح الإجمالي جعل الله تعالى للصلوات لخمس أوقات محددة لكل صلاة وقتها الخاص كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Donc Allah عز وجل a donné pour les cinq salat un temps déterminé qui leur est particulier, comme dans le sens où il dit que la salat est prescrite sur le musulman, le croyant, à une heure particulière. Ça veut dire qu'il y a des horaires parmi les, justement les piliers de cette salat, ou plutôt les conditions de cette salat, qu'elles soient faites dans ces horaires. On parle des salats qui sont obligatoires, les cinq quotidiennes. وَالْأَصْلُ وُجُوبُ فِيَ الْكُلِّ صَلَاتٍ فِي وَقْتِهَا الَّذِي بَيَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ مِنْ تَيْسِيرِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ ثُمَّ أَنَّهُ إِذَا كَانَ ثُمَّ حَاجَةٌ إِلَى ضَمِّ الصَّلَاةِ لَمَّا يَتَّصِلُ بِهَا وَقْتُهَا وَهُمَا نَهَارَيَانِ أَوْ نَهَارِيَتَانِ وَلَيْلَايَتَانِ نعم أو ليلايتان فإنه يجوز ذلك. Donc là, là-bas, c'est qu'il est obligatoire de faire la salat dans son temps. Ce temps qui était lui-même défini par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers la sunna. Car il est certain que quelqu'un qui prend qu'une cour au Coran, il ne pourra pas savoir à quelle heure faire les salawat. Cela a été décrit dans la sunna. Cependant, Allah azawajal nous a facilité en faisant en sorte que s'il y a un besoin, qu'il est permis justement de joindre la salat à celle qui vient après elle. Qui sont les deux salats de jour, qui sont le dhuhr et le asr, et les deux salats de nuit, qui sont le maghrib et le isha. وَهَا هُوَ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى الظُّهْرِ السَّيْرُ وَيَجْمَعُ كَذَلِكَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْفَجْرِ وَغَيْرِهَا لِانْفِصَالِ وَقْتِهَا عَنْ غَيْرِهَا. Donc il a dit que le Nabi, que Ibn Abbas nous rapporte ici que le Nabi صلى الله عليه وسلم joignait lors de son voyage, entre le dhuhr et le asr, lorsqu'il était en parcours, qu'il était en voyage, c'est-à-dire qu'il n'était pas arrêté, il était en marche. Et également qu'il joignait entre le maghrib et le isha. Mais cependant, le fajr restait seul, car il n'y a pas d'autre salat qui le suive. Il n'y a pas d'autre salat qui vient directement après le fajr. La salat qui vient après le fajr, c'est le dhuhr, elle est loin derrière. Il y a longtemps entre les deux. Et à savoir qu'auparavant, justement, les salats étaient accomplis comme cela. Au début, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était encore à Mecca et que les cinq salawats lui ont été prescrites, quand il est monté justement aux cieux, et que Allah Azzawajal lui a pris 50 salats, après ça a été réduit jusqu'à 5. Au début, il les faisait par deux rakat, deux rakat. Toute salat était faite de rakat, de rakat. Le fajr de rakat, le zor de rakat, le asr de rakat, le maghreb de rakat et le isha de rakat. Quand il est arrivé à Médine, c'est là que ça a été changé, ça a été abrogé. Et il n'y a que le fajr qui est resté sur deux. Le zor est devenu quatre, le asr est devenu quatre, le maghreb est devenu trois et le isha est devenu quatre. Naam. Yaqul min fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith. يقول أولا ثبوت الجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر وهو سنة لمن كان على الظهر السير أما من لم يكن على الظهر السير فالأفضل أن لا يجمع. Donc là, cela nous confirme qu'il est permis de joindre entre le Dhor et le Asr et entre le Maghrib et le Isha en voyage. Cela est une sunnah pour celui qui est en parcours. Quant à celui qui est, par exemple, il est en voyage mais il est en arrêt, d'accord? Par exemple, il en arrête pas un bon moment, alors lui, il est préférable qu'il fasse ses salats dans leur temps. Le meilleur qu'il fasse ses salats dans leur temps. Mais s'il le fait quand même en les joignant, il a le droit. Après, il y a un khilaf entre les ulama, s'il entre en la veine et qu'il n'est pas justement en cours de route, est-ce qu'il a le droit ou pas? Car des ulama disent à partir du moment où on entre en la veine, d'accord, qu'on s'arrête pour le voyage. Pour la salade, je veux dire. ثانيا أن صلاة الفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها. Que la salat du Fajr n'est jointe ni avant celle qui a. N'est jointe avec aucune salat. Ni celle d'avant ni celle d'après. Celle d'avant c'est celle du Isha, elle est loin devant. Celle d'après c'est du Dhuhr, elle est loin derrière. ثالثا يسر الشريعة الإسلامية. La facilité de la législation islamique. A savoir que le voyage c'est une chose qui en réalité n'a pas de dalil qui détermine sa distance. Toute chose à laquelle les gens sont habitués de prendre cela en considération qu'il s'agit d'un voyage, alors c'est un voyage. À partir du moment où tu te prépares, tu me prends des choses pour un long parcours, et que dans ta tête, cela est considéré comme étant un voyage ou déjà de ta contrée, cela est un voyage. Cependant, cela a été légèrement déterminé comme étant une distance d'à peu près de 80 km. De 80 km. Si cette distance-là est dépassée, tu rentres dans un voyage. Et certains, ils ont dit 77 km ou à Kaza. Et ce qui est moindre, cela revient aux coutumes des gens. Est-ce que cela était un voyage ou pas pour eux? Et c'est important de savoir cela, car cela peut amener d'autres règles, comme par exemple la femme qui part seule. Est-ce que cette distance-là peut la faire seule ou avec un mahram? C'est des choses qui sont importantes à connaître. Non. Et aussi en ce qui concerne la durée du voyage, combien de temps est-ce qu'on peut faire justement ce lien entre les salawat? Ça, c'est une longue divergence qui existe entre les ulama, qui ne sera pas établie ici. Voilà, kaza. والحمد لله رب العالمين